Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les années swing. Ça va être la musique pop des Américains des années 30 et 40. Ça va être une musique profondément américaine. Glenn Miller, Benny Goodman, Billie Holiday, Duke Ellington, Count Basie. Le musicologue Renaud DeStefano, au micro de Mario Proulx à l'émission « La vie comme une histoire » en novembre 2000. Plus qu'une simple musique, la culture swing permettra à la jeunesse américaine de tourner le dos à la morosité économique des années 30, comme elle permettra ensuite à la jeunesse française de faire un formidable pied de nez aux forces d'occupation nazies au début des années 40. Ce swing, si apprécié par la jeunesse des années 30 et 40, effectuera un retour à la fin des années 90 et au début des années 2000, une toute nouvelle génération succombera à son tour au rythme endiablé et à la bonne humeur contagieuse de la musique swing. Quand on fait du swing, ce qu'on voit autour de nous, c'est des gens qui s'amusent. Mais ils sont en contact aussi, il y a une communication qui est constante entre les deux. C'est une danse avec partenaire. Alors, ce qu'on voit, c'est des gens qui sont souriants, on voit des gens qui ont beaucoup de plaisir, qui s'entraident, qui se parlent. Des fois, je vais danser avec un autre partenaire tout simplement parce que quelqu'un d'autre peut me donner, peut m'apprendre des choses. Alors, c'est comme ça qu'on vit le swing. Le swing, là, c'est un défoulement. On a d'autres rythmes de danse où on va vivre d'autres sentiments, alors que dans le swing, on a l'impression d'être un peu se laisser aller, là, sans réfléchir à rien. Et puis là, c'est vraiment l'abandon total sur une musique plus ou moins rapide, et c'est un défoulement. Good night, my love. The tired old moon is descending. Quand on écoute la musique de swing, quand on écoute les paroles, ça transporte des valeurs qui sont très simples. Un premier baiser va être traduit comme quelque chose d'extraordinaire dans une chanson swing, alors que maintenant, un premier baiser, ça n'a plus vraiment d'importance. Alors, cet aspect-là, de retour aux choses simples et aux choses vraies, puis de ramener l'extraordinaire dans des choses simples, moi, ça me touche beaucoup. Puis oui, effectivement, ça touche quelque chose de nostalgique pour moi. Extrait de l'émission Plage Culture, diffusée en juillet 2001. Vous y entendiez Nicole Saunier et Raoul Dussault, tous deux adeptes du swing au début des années 2000, pour nous parler de la grande époque du swing qui correspond plus au milieu des années 30, au début des années 40. Mon invité, Jean-Pierre Le Glonec, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Jean-Pierre Le Glonec, bonjour. Bonjour. Comment le définir, ce fameux swing d'abord, Jean-Pierre? Musique, danse, culture, qu'est-ce que c'est que le swing? C'est toute une tâche, c'est tout ça à la fois. C'est en effet un style musical, un style de danse. C'est une décennie, les années 1930 et le début des années 1940 jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un état d'esprit, c'est l'Amérique. Le swing, c'est tout ça à la fois, c'est quelque chose qui au fond ne se définit pas véritablement. Lorsqu'on pose la question à Benny Goodman, à Louis Armstrong, à Count Basie au début des années 1930 de définir ce qu'ils font, ils répondent toujours avec des phrases métaphorique. Benny Goodman nous explique que le swing, finalement, c'est l'esprit de l'Amérique. Où il explique que, par ailleurs, le swing est aussi complexe et incompréhensible que le chapeau que portent les femmes. Ouais. Alors, vous comprenez que le swing est quelque chose qui ne se définit pas. Ceci étant dit, le swing, c'est d'abord et avant tout un adjectif ou un verbe dans les années 1920, et le swing devient un substantif seulement dans les années 1930. Donc le swing, c'est quelque chose qui se définit comme non commun dans les années 1930. Concrètement, le swing, d'un point de vue musical, suppose l'existence de très grands ensembles professionnels, bien organisés. Le swing repose sur orchestre de 15 musiciens, absolument, généralement, voire plus. Ouais. Ce sont des grands ensembles qui jouent de la musique écrite, qui fait peu de place à l'improvisation, contrairement au jazz classique de la Nouvelle-Orléans, où là le soliste, le trompettiste en particulier, joue un rôle très important. Dans un ensemble swing, il y a deux sections, une section rythmique, la section trompette et trombone, et puis la section plutôt mélodique composée des clarinettes et des saxophones. Alors, le swing met l'accent sur le temps faible, et l'objectif des musiciens, qu'ils soient Fletcher Henderson, Benny Goodman, Artie Shaw et autres, est de mettre l'accent sur le rythme. Donc, vous voyez, le swing, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Ouais. Mais je précise ici que le swing, c'est l'Amérique. En fait, le swing, c'est... L'Amérique n'a pas Bach, elle n'a pas Beethoven, mais elle a le swing. C'est sa musique folklorique. Le jazz se transforme, se mue en swing dans les années 30. C'est la grande, grande période de consécration du jazz comme musique spécifiquement américaine dans les années 30. Et c'est pas un hasard, puis on va y revenir dans un instant. On va d'abord parler des origines, mais cette correspondance entre le swing, ces grands orchestres et la période où il arrive, il n'y a aucun hasard. Le swing est le reflet de la société et du temps dans lequel, justement, il va exploser. Mais ça vient d'où? Parce que vous avez parlé du jazz. Le début, les origines du swing, c'est le Sud. Oui. C'est le Sud, même les chants esclavagistes, les chants d'esclaves, les racines. C'est la musique afro-américaine en général. Alors, on pourrait évidemment faire une émission spécifique sur la musique afro-américaine. J'aimerais rappeler ici que le swing, finalement, tire ses origines de la musique afro-américaine religieuse, donc de ce qui devient au 19e siècle les Negro Spirituals, musique religieuse d'abord, chants de travail, en effet, qui sont entonnés par les esclaves, chants de travail qui sont à la fois une façon de cadencer le rythme de la journée, mais aussi une façon de résister culturellement à l'asservissement. Et puis donc musique religieuse, musique de travail, et puis enfin musique de divertissement, que l'on chante soit dans les campagnes, soit dans les tavernes de la ville. Et ces trois, finalement, formes musicales forment une synthèse à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle qui donne naissance au jazz de la Nouvelle-Orléans. Ouais. Jazz qui repose sur l'improvisation, sur la spontanéité. Et on pourrait résumer tout ce que je viens de dire, finalement, en rappelant que avant le swing, avant le jazz de la Nouvelle-Orléans, il y a une place très importante à la Nouvelle-Orléans qui s'appelle la place Congo, que l'on connaît également sous le nom de place du Cirque ou place Verte. Elle se situe à l'extérieur du quadrilatère historique de la ville. Et c'est place Congo au 19e siècle que les esclaves et les noirs libres se réunissent les dimanches après-midi par milliers. Ils sont parfois 4000 réunis sur cette place. Et ce jour-là, le dimanche après-midi, ils jouent. Il, finalement, donne naissance à une musique syncrétique. Et cette musique syncrétique, je viens de le dire, c'est le jazz qui émerge à la Nouvelle-Orléans à la fin des années 1910, au début des années 1920, et qui migre vers le nord en même temps que la grande migration des Afro-Américains au début des années 20. Déplacement du jazz avec le déplacement des Noirs, avec le déplacement de l'activité économique, tout ça donc nous conduira dans des villes comme Chicago, New York, Détroit. À ce propos, justement, on écoute à nouveau le musicologue Renaud DeStefano au micro de Mario Proulx. Tout ça, bien sûr, sur un peu de... Oh, on n'est pas tout à fait encore dans le swing. On n'est pas loin du Dixieland. En tout cas, on est dans le jazz. Autour de 1920, le jazz se déplace vers Chicago. Pour quelle raison? Bon, le Congrès des États-Unis, le Sénat, décide de fermer un district très important de la Nouvelle-Orléans qui s'appelle le Red Light District, où il y avait beaucoup de musique, mais en même temps, il y avait des bouges, des bordels, des clubs, beaucoup d'alcool. Et les musiciens, qui étaient bien employés à la Nouvelle-Orléans, ont perdu leur job, leur travail de musique. Donc, il y a eu une migration vers Chicago. Mais aussi, à cette époque, toutes les industries se développent aussi vers le nord des États-Unis. Il y a plus une sorte de développement social vers le nord. Les Noirs... suivent le courant. Et Chicago est une ville en plein développement. Il y a des clubs, il y a des chemins de fer. Disons, c'est une ville riche aussi, multiethnique. Et c'est contrôlé par la pègre. Et donc, il y a des clubs. Il y a des clubs et il y a de l'alcool, même si c'est la période de prohibition. Et ce Chicago du début des années 20 où les Noirs et les musiciens de jazz se retrouvent, Jean-Pierre Leglonec, ce Chicago en plein boom va voir le jazz aussi exploser complètement. Oui, absolument. Il faut rappeler tout de même qu'entre 1916 et 1921, la grande migration des Noirs vers le Nord commence pendant la Première Guerre mondiale, en raison de la demande de main-d'œuvre dans le Nord-Est, dans les grandes villes que sont Cleveland, Chicago, Détroit, New York, etc. Entre 1916 et 1921, c'est un demi-million d'Afro-Américains qui quittent les plantations, enfin les anciennes plantations du Sud vers le Nord. Alors, parmi ce demi-million d'Afro-Américains, eh bien, on trouve Louis Armstrong et d'autres grands musiciens eh bien, qui se déplace et qui finalement donne naissance à Chicago, bien sûr, mais je pense surtout à New York et au quartier d'Harlem, oui, à une musique nouvelle. La musique se avec déplace. Avec Harlem Renaissance. Absolument. La fin des années 1920, une grande période de renaissance culturelle dans le quartier d'Harlem, qui n'est pas un quartier noir à l'origine. C'est un quartier de la classe moyenne juive, oui, mais qui se vide progressivement au début des années 1920 en raison d'une bulle foncière. Et donc, le Harlem est un quartier noir à la fin des années 1920, et Harlem, mais aussi le South Side de Chicago, deviennent les quartiers d'une musique nouvelle, d'une musique fascinante, que l'Amérique trouve fascinante, mais qu'elle trouve également particulièrement dangereuse, parce que le jazz est censé représenter toute la culture noire, la culture de la promiscuité, ouais, sexuelle, de la promiscuité sociale. Mais ce sont de grandes années pour le jazz, ça c'est certain. Arrive le crack de 29, et on va le voir tout au cours de cette émission, au fond, à quel point la situation économique et la situation de l'évolution de la musique ne font qu'un. Crack boursier en 29, là, c'est la grande déprime. L'économie est en crise, la culture est en crise, le jazz est en crise. Le jazz est en crise et on accuse le jazz d'être en grande partie responsable de la crise économique. Le jazz, musique noire, serait forcément une musique de dégénéré, et donc le jazz aurait mené l'Amérique à sa perte, à sa déchéance. Et la crise a un impact majeur sur l'industrie musicale, sur l'industrie du disque, l'industrie des nightclubs. Et donc l'Amérique entre dans une grande période de morosité. Les musiciens noirs trouvent de moins en moins de travail, les groupes blancs sont moins touchés, mais finalement le jazz tente à disparaître des radios, et on entend plutôt à la place du jazz une musique douce, la musique qu'on appelle sweet, c'est la musique des crooners, la musique de Bing Crosby, de Paul Whiteman, de Guy Lombardo, bref, de chanteurs qui sont abonnés au pathos, des chanteurs de douche, qui se définissent comme des chanteurs de douche. Et c'est dans l'air du temps. Ils n'ont rien de particulier, et leur musique ne doit surtout pas choquer ceux qui écoutent. Parce que ceux qui écoutent sont sans travail, ne sont pas capables, ouais, de se marier, ne sont pas capables d'incarner l'Amérique triomphante. Alors il leur faut une musique particulièrement douce. Et c'est l'Amérique, au fond, c'est l'Amérique qui a perdu cette musique. Absolument. La musique sweet, la musique des crooners, c'est une musique horizontale. Alors que finalement, le jazz était la musique de la verticalité, ouais, celle qui menait vers d'autres cieux. Mais ça ne durera pas longtemps parce que arrive le milieu des années 30 et tout à coup, arrive cette musique qui est du jazz, mais du jazz très rythmé, le swing. Pourquoi, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À quoi correspond cette arrivée du swing? Alors, l'arrivée du swing, enfin, on date généralement l'irruption du swing dans l'histoire américaine. On pense que tout commence en 1935, à l'été 1935. L'année 35, c'est l'année symbolique par excellence. Dans les années 1930, c'est l'année du New Deal, de l'adoption par le Congrès de toutes sortes de lois, notamment la loi sur la sécurité sociale qui redonne confiance à l'Amérique et en particulier à la jeunesse. Oui. Il faut rappeler que le swing, c'est la musique de la jeunesse. Ce sont les adolescents, ce sont les jeunes qui ne trouvent pas de travail et qui se réfugient finalement dans la musique, car la musique est leur espoir. 1935, Benny Goodman donne un concert à Los Angeles, au Paloma Ballroom, et là, tout commence. Ouais. Tout commence. Un an plus tard, les premiers grands disques de swing se vendent par dizaines de milliers, et dans les jukebox à travers la nation, eh bien, il ne suffit que de 5 cents pour écouter les grands tubes du swing. Et l'un de ces premiers grands tubes, c'est une œuvre de Tommy Dorsey. Cette pièce de Tommy Dorsey, The Music Goes Round and Round, sort donc en 1935, Jean-Pierre Le Glonec. C'est probablement le premier très, très grand succès de la musique swing. Comment la décrire, cette période-là, où tout est swing, où tout devient swing, où le swing est partout? On n'est plus dans la musique, la danse, on est dans la culture swing. Absolument. Le swing, contrairement au jazz classique de la Nouvelle-Orléans, semble avoir atteint enfin sa maturité. C'est une musique accessible, c'est une musique facile pour l'oreille, facile aussi pour le corps, puisque, ouais, le corps peut en effet bouger facilement. Comment ne pas danser, se dandiner au moins, au son du swing. Absolument. Alors, elle est très prisée par les danseurs, par des danseurs qu'on appelle des jitterbugs ou des hickeys, qui sont toujours des adolescents particulièrement fiévreux. Danser sur le swing n'est jamais très très loin de l'émeute, au fond. Les années 30, hein, à partir de 1935-1936, rentrent dans une période d'énergie. Le swing, c'est l'énergie de l'Amérique retrouvée. C'est un phénomène plutôt urbain, je pense qu'on peut le dire. Absolument. Le swing, le temple du swing, c'est New York, où habitent les grands Glenn Miller, Duke Ellington. New York, où se trouvent les grands clubs sur la 52e rue, mais aussi et surtout dans le quartier d'Harlem, où se trouvent les grands nightclubs, le Savoy Ballroom, le Connie's Inn, le Cotton Club. Et finalement, dans ces clubs, que ces clubs se trouvent d'ailleurs dans le sud de Manhattan ou au contraire dans le quartier d'Harlem, eh bien, on se mélange. Blancs et noirs se mélangent sur la piste de danse et figurez-vous que même blancs et noirs se mélangent parmi les musiciens. Donc finalement, l'Amérique se réinvente, mais l'Amérique surtout cherche à combattre ses vieux démons, le démon de la race. Hein. Donc le swing est une grande synthèse américaine qui permet à l'Amérique, en apparence du moins, de se retrouver. Sing, Sing, Sing sera la dernière pièce interprétée lors du concert de Benny Goodman au Carnegie Hall de New York le 16 janvier 1938. Cette date, Jean-Pierre Le Glenec, du 16 janvier 1938, elle est cruciale dans l'histoire du swing. Pourquoi? Que se passe-t-il ce soir-là? Absolument. Il se passe que, normalement, les auditeurs et auditrices devraient être debout sur leur siège en train de danser, puisque c'est ce qui se passe le 16 janvier 1938. On est à Carnegie Hall, temple de la musique classique, temple de la musique européenne, temple de la musique blanche. Et ce soir-là, il y a un concert de swing. C'est Benny Goodman qui est le chef d'orchestre, qui anime la soirée. Plus de 3000 personnes sont présentes à Carnegie Hall et ne peuvent s'empêcher de danser et de se lever sur les sièges. Il y a même, figurez-vous, des spectateurs qui sont sur la scène et qui, bien sûr, lorsqu'ils entendent Sing, Sing, Sing, se lèvent pour célébrer leur grand héros, celui qu'on appelle le King of Swing, Benny Goodman. Mais c'est pas tout. Le concert se termine et les auditeurs et les musiciens se déplacent vers le quartier d'Harlem. Donc on quitte la 7e avenue, on se déplace vers le quartier d'Harlem, on entre dans le home. Tout le monde ensemble? Alors, ils montent en taxi, en voiture, je ne sais pas très bien comment ils s'arrangent. On monte au Savoy Ballroom, qu'on appelle le Home of the Happy Feet, la maison des pieds heureux. Et là, plusieurs milliers de personnes, car la salle peut accueillir 4000 personnes, plusieurs milliers de personnes assistent à une joute musicale entre les deux grands orchestres de swing du moment, Chick Webb d'un côté, Count Basie de l'autre. La soirée continue et vous voyez ce qui se passe finalement ce soir-là. C'est la musique européenne, la musique classique, enfin du moins le monde de la culture européenne et le monde de la culture blanche qui rencontre le monde de la culture noire. Le swing ce soir-là, le 16 janvier 1938, n'est plus une musique de marginaux, c'est une musique américaine. C'est une musique américaine qui va quand même faire des petits, passez-moi l'expression, de l'autre côté de l'Atlantique, parce que le swing, il sera aussi présent en Europe, en France notamment. Quelle importance aura, par exemple, en France, le swing? Ah, c'est crucial. À vrai dire, la guerre se mène évidemment sur les champs de bataille, mais elle se mène aussi par la musique. L'armée américaine envoie des orchestres de swing en Angleterre, en France, vous venez de le dire, en Russie, et même on entend le swing dans l'Italie fasciste ou dans l'Allemagne nazie. La musique est un outil de résistance dans la France occupée, un outil de résistance dans la France dans l'Angleterre qui résiste, un outil de résistance partout en Europe. Glenn Miller est la grande, grande figure de ce passage du swing hein, de l'Atlante, des États-Unis vers l'Europe occidentale. Oui. Les Azous en France, par exemple, seront des adeptes du swing et ce sera pour eux une façon, avec tout ce que ça veut dire d'être Azous, une manière de s'habiller, une coupe de cheveux, mais leur musique, c'est le swing. En Allemagne, on les appelle carrément les swing. Ils sont et la musique swing en Allemagne sera considérée comme de l'art dégénéré, carrément. Absolument. C'est une musique subversive pour deux raisons. Parce que c'est une musique juive. Il faut rappeler que Benny Goodman est d'origine juive. Et par ailleurs, le père de Benny Goodman est un tailleur très pauvre, socialiste. Donc vous voyez que c'est non seulement une musique juive, mais en plus une musique de nègre, comme on l'appelle alors. Donc c'est forcément une musique qui représente la décadence du monde occidental, alors que l'Allemagne, elle, est censée représenter l'avènement d'un troisième... Enfin, d'un troisième Troisième Reich, qui n'a rien à voir avec cette culture juive et noire. Donc oui, le swing représente alors, dans les années 1940, jusqu'à la fin des années 40 à peu près, l'espoir d'une renaissance, et c'est une musique oui. profondément subversive qu'il est dangereux d'écouter. Pourquoi? Donc ça meurt juste après la Deuxième Guerre mondiale, à la fin des années 40. Absolument. Pourquoi? Alors aux États-Unis, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le swing est peu à peu remplacé par un autre type de jazz qu'on appelle le bebop, qui est un jazz beaucoup plus improvisé, beaucoup plus spontané. En fait, on reproche beaucoup au swing à la fin des années 40, musicologues et musiciens, on reproche au swing son côté organisé, professionnel, et on aimerait ça retrouver ce qu'il y avait de spontané et improvisé dans le jazz classique de la Nouvelle-Orléans. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une sorte de résurgence du jazz classique de la Nouvelle-Orléans, et puis surtout création d'un nouveau son autour de Charlie Parker ou Dizzy Gillespie, le bebop, qui est la musique des beats, de la génération beat de Jack Kerouac. Si vous avez lu le roman Sur la route, il n'est question que de bop du début jusqu'à la fin. Quand Thomas m'a fait découvrir le swing, ce qui m'a touché en premier lieu, c'était l'authenticité. On entend beaucoup de musique synthétique. Et là, on se retrouverait avec des cuivres, on se retrouvait avec des musiciens qui font du jazz. Donc, le retour peut-être aux instruments de musique de base. Intéresse au swing, c'est surtout la musique. En gros, c'est une musique qui est joyeuse, puis il n'y a pas vraiment de moment où c'est que ça devient abrutissant. C'est toujours emporté, puis c'est dynamique comme musique, puis on ne sent pas dépressif quand on rentre ou on sort d'une soirée de swing. À nouveau, un extrait de l'émission Plage Culture diffusée en juillet 2001. Ça correspond, juillet 2001, Jean-Pierre Le Glonec, à ce retour. À la fin des années 90, début des années 2000, il y a un retour du swing. Pourquoi? Ça correspond à quoi, ce retour? C'est une bonne question. Hein? On peut lancer quelques hypothèses. Je pense que le swing représente, on vient de l'entendre, ce qu'il y a de plus authentique dans la culture américaine. Or, les années 90 sont une décennie de croissance. C'est aussi le retour des démocrates au pouvoir. C'est peut-être aussi le retour de la confiance aux États-Unis. J'ai envie de penser que c'est une hypothèse qui pourrait comme être envisagée. Comme au milieu des années 30. Absolument. Ouais. Je crois que quand l'Amérique est en confiance, l'Amérique est en rythme. Tout ça pourrait se vérifier, évidemment, au fur et à mesure. Mais il y a un lien ici entre, je crois, confiance, économie, croissance et swing. Et le swing, n'a jamais disparu. Hein. Il est moins populaire à la fin des années 40 et au début des années 50 aux États-Unis, mais il est très populaire en France dans les années 50 et il ne cesse finalement d'attirer, de faire des partisans au fil du temps. Jean-Pierre Le Glonec, merci beaucoup. Merci. Jean-Pierre Le Glonec, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et Michael Tremblay. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Mathieu Arsenault. À la technique aujourd'hui, Louis-Pascal Loriot. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur les sites Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Come on over here, boy. What you want, girl? Play something for me. Oh, I don't know how to play nothing. Well, I'll show you now. Oh, you blow through here, the music goes down and around. Whoa, ho, ho, ho, ho, ho, when it comes out here. Now push the first valve down, the music goes down and around. Whoa, ho, ho, ho, ho, ho, ho, when it comes out here.